Bon midi à l'écoute de CKRL 89.1, ici Dominique Lelièvre pour les informations. La Ville de Québec accueille ce soir le premier arrêt du collectif « Faut qu'on se parle ». Les instigateurs Gabriel Nadeau-Dubois et Jean-Martin Hossan ainsi que d'autres personnalités du collectif seront présents à partir de 19h au Musée de la Civilisation afin d'animer une discussion sur les thèmes de l'éducation, du climat et de la démocratie. L'initiative lancée fin septembre vise à tenir une consultation publique, enfin 10 consultations dans 10 villes du Québec, sur le web également, ainsi qu'au cours d'assemblées et de cuisine, tout ça dans l'espoir de redonner au Québec un projet de société qui soit rassembleur. En entrevue à CKRL, Gabriel Nadeau-Dubois explique pourquoi le collectif a choisi Québec pour faire son premier arrêt. Oui, c'est un peu un message pour nous. On veut regarder, on n'a pas peur d'aller à la rencontre des gens de Québec. On ne croit pas les préjugés ou les idées reçues selon lesquelles les gens de Québec sont tous d'accord, comme si Québec c'était une région qui est monolithique. On pense qu'à Québec, comme partout, il y a des débats. On peut parler de politique, puis on peut discuter de progrès social, on peut parler d'environnement sans tomber dans la démagogie. Donc oui, c'est important pour nous de commencer à Québec. Dans le quartier Saint-Sauveur, maintenant, la mobilisation citoyenne pour la sauvegarde du centre du Rocher ne s'essouffle pas. Un rassemblement est prévu en fin d'après-midi à 17h devant le bâtiment de la rue du Rocher dans une ultime tentative là, de convaincre la ville de renoncer à la démolition du bâtiment. Démolition qui est prévue dans les prochains jours. La candidate à la direction de Démocratie Québec, Anne Guérette, sera présente à ce rassemblement. Les citoyens demandent à la ville de suspendre le permis de démolition et de participer à une rencontre de réconciliation organisée par les pairs de Oblat le 18 octobre. De son côté, le porte-parole Éric Martin du comité de citoyens déplore le manque d'écoute de l'administration Labeaume. Comment on se sent, c'est qu'on trouve ça déplorable de la part d'une administration municipale telle qu'elle soit, qu'elle n'écoute pas ses citoyens, mais encore plus qu'elle ne veut pas s'asseoir avec eux. Ça fait 2 ans qu'on essaye de s'asseoir avec la ville, qu'on revendique la possibilité de discuter avec nos élus d'un projet qui pour nous est très très porteur, un projet de maison de la culture pour notre quartier Saint-Sauveur qui souffre de sous-équipement. Pour nous, ce serait très important que ce soit aménagé. On veut juste rencontrer nos élus, pouvoir en discuter. Depuis 2 ans, la ville nous ferme la porte. Toujours dans le quartier Saint-Sauveur, la Ville de Québec inaugurait ce matin un parc à la mémoire de la chanteuse Alice Robbie, la chanteuse de chansons populaires latino-américaines. Grandie à Québec, elle est décédée en 2011 à l'âge de 88 ans. Le parc, situé à l'angle des rues Napoléon et Victoria, comporte notamment une plaque commémorative et de nombreuses inscriptions dans le mobilier urbain qui rappellent les grands succès de la chanteuse. La météo est une présentation de Rainfray Volkswagen. Durant le Volksfest, réveillez-vous au volant de la Volkswagen de vos rêves avec le financement à partir de 0% sur 84 mois ou jusqu'à 6 000 $ de rabais. C'est toujours aussi beau à Québec, c'est plein soleil et 9 degrés. Ce sont les conditions à 12h30 pour la Ville de Québec. Le maximum à atteindre aujourd'hui est de 14 degrés. Dégagé ce soir avec minimum de 6, demain mercredi, alternance de soleil et de nuages, maximum 15 degrés. La journée de jeudi qui s'annonce davantage pluvieuse avec 16 degrés au mercure.